J'ai repris de l'inspi, là je reviens comme un tank. À Marseille, tu tiens pas deux jours, tu peux pour tout un gang. Hijo de puta, tu me dégoûtes, hein, me dis pas merci comme Frank. Je connais des gens, ils sont chargés comme s'ils allaient se faire une banque. Matriculé 2B, j'ai de la famille dans le 2A. J'ai des potos, ils ont fait des conneries, sont cachés au 2B. Je dis merci à celle, tu m'as élevé, tu es celle. Moi je suis sans Goku, gros je vais te soulever, je suis sous la lune. Je pense à toi fils de chien, je me fais des alus, je vois ta joue sous ma lame. De nos jours, les femmes sont malines. Elle te dit je suis dans mon lit, mon bébé dort en traître, elle se balade. Je souhaite te faire le pain, ce qui guettait à l'étage. Un traître, ils me jettent la mort, je connais leur vrai visage. Nous on a connu la galère de Mando H. Quand tu as un peu de soleil, il pleut des BDH. A l'aise dans les games et je mets la gomme, pas de cam. Je sors un album, je link tout, je fais même pas de com et je ricane. Je lève le Beverly, y'avait là les bavures policières. Ici c'est pas les flics de Beverly, c'est mon père. Je suis le terre-terre. Il parle encore de moi, je vais les faire taire. Vingt projets dans les dents, je suis encore dedans. Je rappe comme si j'étais à terre, sous terre, par terre, terre. Hein? Nous on vient de Marseille, comme DJ Aout. On vient mettre l'ambiance parce que ce soir le DJ il est out. J'ai fait le pilote toute la journée, qu'est-ce que je me suis marré. Si t'as passé un démat, j'arrivais pas à le démarrer. J'arrive comme un rat de marée, j'ai mon signe comme la Mara. J'apparais, je disparais, je reste pas longtemps dans les parages. Ça esquive le barrage pour pas aller en maison d'arrêt. La terre est ton parent, mais moi je suis resté carré. Bolier des filles, tu bruis, je leur ai fait peur quand je me suis garé. Et frérot, j'ai mes raisons, si du quartier je me suis barré. Je fume que des pétards, moi jamais pété une cigarette. Toujours à l'affût comme un charcler ou un vendeur barrette. Le 300, je le mets debout, j'ai failli niquer la bavette. Fanta Strawberry, j'ai mis un peu de vodka dans la canette. Laisse-tu pas ton cul, faut faire gaffe où tu vas. Qui tu baisses, qui tu vois, qui t'aime pas. Qui va t'aider si tu tombes, les mandats. Et ta gadget qui va la surveiller, si je mets au quartier elle fait la bombe. Ils m'ont vu tout gentil, parce que mon cœur est grand. Parce que je me monte pas, je fais pas le voyou quand je suis à l'écran, hein. Tout le monde est sous crâne d'arrêt, tu veux t'éteindre, d'aller. Ça te rentre dedans, même si t'as une répute grande taré, hein. C'est l'avenir au mic, mec. J'écris des lignes, je suis dans un délire, comment mettre des lignes. Y'a des loups qui font des délits. Non c'est pas des lol, c'est pas des pistonnés qui passent à la télé, c'est pas des intellos. Pour faire passer des kilos, ça cherche des marins, des matelots. Ah t'es là, viens je te dis, la rue c'est pas de l'eau. Là je suis un rat des ténèbres, ça les voit de loin. Je les baisse, j'ai la vitesse. Sans moi j'ai la vitesse. Sur le bébé, c'est le week-end, là je suis collé sur la vitesse. Y'a le Covid, j'ai fait le test. Y'avait un bruit, j'ai fait le tête. Album, je squatté le top, je les braque, demande à la snap. Peu d'équipier, mais je sais qui c'est qui est là quand j'appelle. Reste droit dans la vie, parce que jugement, tu pourras pas faire danser ton oncle et ta cousine. Et même ta voisine. Et je fais chanter les mamas comme rock voisine. Pas dans les magazines que je les assassine. Bande à l'assassin. J'ai mis le blanc de dinde de Spar dans du père assis. On n'est pas des racistes, ni que les parasites. Que des têtes cassées quand on est pas rasé. Rien n'est fait par hasard. Ils ont rien fait, ils me jouent les mauvais garçons. D'ailleurs, dis à la serveuse qu'elle me resserre des glaçons. Je dis pas que je suis le king. Rapta sur un parking. Et les fils de Him Ping, je suis dans le fufé, c'est pas une ma Cilia, j'ai le milliard. Je vise le milliard. Je nique les bouquillas et les putes qui hagent. Les gru, c'est la guérilla. Alléluia, je lance le milliard. Tout pour ma familia, hein. Je te fume si tu touches à ma dermia. T'es bizarre, qu'est-ce qu'il y a? On me dit que tu fais que ce qui est. Gros projet, mais les têtes qui a, poto, on a tout plié, hein. J'fais que des classiques, j'déguste l'album sur la A7. Faut que tu saches que la vie c'est pas simple. J'suis avec le daron, j'écoutais la funky family sur la cassette. J'ai le cœur cassé, ils regardent pas leur assiette. Ça fait des plaquettes de diamants au réseau. S'il y a des crimes, c'est pas pour des centimes, c'est qu'il y a des raisons. Dehors c'est chaud, si t'as pas les couilles, faut que tu restes à la maison. Les allers-retours en prison, c'est la même toutes les saisons. Que des braquages, des pactages, ça t'attache, ça t'arrache. Y'a le flingue, y'a le shit, y'a la beuh, y'a la mâche, fais les mèches. Les jaloux disent comme il est moche. Faut pas trop faire de dinguerie, tu vas devoir cacher vers Limoges. On veut investir dans l'immobilier. On va mettre ta pique qui t'a finir en mobilette. Il fait froid quand tu guettes parce que tu restes immobile. Passe en cellule ou entassé dans un mobilhome. Attaquant comme tiro immobilier. Le poteau, je l'ai fait que du bien, mais bon, il a oublié. T'as beau crier, ta haine t'appelle, mais bon, les flics veulent quand même te niquer avec leur bouclier. C'est pour la classe ouvrière, j'en passe une pour les mamas qui vont passer la serpillière. Les merdes d'aujourd'hui, c'est pas les merdes d'hier. J't'avoue, je me sens perdu quand je vois le poteau rattraper ses prières. Ils ont la rage, veulent me finir la petite cuillère. Donc alors, j'prends la bruyère, mais j'te trouve comme un gruyère. Moi, c'est l'ovni, j'fais pas le mac. J'ai pas le bac, mais j'fais le bec. J'ai plus de pec, que je reste devant le max. Ça sème, je braque. Touche ma drill, je sors les. Pas trop flic, et plus fort qu'ils font des fakes. Parce qu'en face, c'est des putes, ils lâchent pas ce qu'ils ont dans le sac. J'suis dans le monstre, sous moula de Senga. Ça lâche pour tous mes gars. Comme toujours Mzinga, ils veulent qu'on m'élimine. Je tourne pas charge, c'est miné. Les schmittis ont les dents, veulent te monter au beau métal huineux. Et là, je les choque. Je mets là, j'ai choc. J'ai la gadget, j'ai une location et là, j'ai le choc. Mais toi, tu troupes, tu fais des check en check. Quand tu t'agrippes, fais gaffe à ce que tu dis dans le mégan track. Million comme Drake, mon balistec. Je fume que des pets, là, je suis dans la nappe. Ça fait des disques d'or, ça fait des disques de diamants. Je devais percer dans le foot, mais je me suis croisé les ligaments. Bolide allemand, je les aimais comme des frères, je les haïs comme des traîtres finalement. Pour elle, je mets les gants, tout mon amour à moi. Suffit pas d'avoir les couilles, mais d'être fort moralement. Il faisait l'intéressant, il s'est senti délaissé. Si le pop est pas, c'est que je suis pas un S, je suis un D, le sang. Si pareil, tu crèmes même un pied. Psst, psst, psst, je suis dans ma bulle. Moi ça va et toi? Je voulais dire le dem, fais gaffe quand y'a les nuages, parce qu'ils peuvent t'éteindre, même si tu brilles comme une étoile. Tu brilles comme une étoile, tu brilles comme une étoile, tu brilles comme une étoile, tu brilles comme une étoile, tu brilles comme une étoile, tu brilles. C'est venu faire des poussettes dans l'oreille en douceur, mais j'écoute pas trop tout ce qu'on dit parce qu'il y a beaucoup de suceurs.